Vous allez juger si c'est un exposé spectaculaire après une heure. Vous parlez bien de la 4e internationale jusqu'à la TMI, j'aurais besoin plus ou moins de 4 ou 5 heures. Mais ça, ce n'est pas possible, Casper, ils m'ont dit, j'ai un avion. Mais je vais chercher rapidement de toucher les différentes périodes que je dois traiter. Il y a la révolution russe, la dégénération de la révolution russe, et sa bureaucratisation. Ça, c'est autre discussion. Mais la 4e internationale, en vérité, commence là. C'est la continuation des idées du bolchevisme. Et en 1923, émerge la première opposition de gauche, qui réactionne contre la théorisation de Staline du le socialisme dans un seul pays. Et la gauche continue à défendre l'idée de la révolution mondiale. Trotsky et l'opposition de gauche représentaient les intérêts objectifs de la classe ouvrière en Russie et dans le monde. Mais nous avons discuté ici la défaite de la révolution allemande de 1823. Ça a marqué la situation, a accéléré le processus de dégénération, parce que l'isolement de la Russie et le fait que le pays plus important, l'Allemagne, manque à la révolution, rend plus difficile la situation pour les bolcheviques. Et après la défaite de l'Allemagne, de la révolution allemande, la grève générale en Angleterre, la révolution chinoise, avant il y avait la défaite de la révolution italienne de 1920, Hongrie, etc., etc. C'est une période de 20 ans qui commence en 18 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, d'une vague de révolution, une vague de défaite de révolution. Et ça, avec chaque défaite, il y a le renforcement de la bureaucratie dans l'Union soviétique. Trotsky cherche de lutter contre ce développement, mais il y a une situation objective que ce n'est pas possible de changer. Nous sommes matérialistes, nous sommes marxistes, nous comprenons le pourquoi de cette situation. En 27, Trotsky vient expulsé du parti. En 28, il est envoyé en exil interne à Almaty. Et en février de 1929, il est expulsé de l'Union soviétique et il va en Turquie. Je pense qu'après, Staline a pensé qu'il était une grande erreur, l'expulser de l'Union soviétique, parce que pendant 11 ans, Trotsky a écrit des grandes œuvres, particulièrement, je pense, la Révolution trahie, que c'est un classique du marxisme. C'était Trotsky qui s'est trouvé obligé à analyser un phénomène que c'est non seulement une révolution victorieuse, mais la dégénération et la naissance d'un État ouvrier déformé. Et c'était Trotsky qui nous a donné l'analyse de ce processus. Dans cette période, commence à apparaître dans les différents partis communistes des oppositions. Et par exemple, dans les États-Unis, Cannon, qui était un des fondateurs du Parti communiste américain, était délégué au Congrès de l'International. Et il y avait un document de l'opposition qui circulait. Et il a obtenu une copie, parce qu'il donnait des copies, et tous les délégués obligés à retourner les copies. Mais il était capable de ne pas le retourner. Il l'a enlevé en États-Unis. Ils ont commencé à connaître les idées de Trotsky. Et c'est la chance, la fortune de notre organisation que le groupe américain, l'opposition de gauche américaine, qui vient expulser, commence à publier un journal qui s'appelait Le Militant, et les envoyait dans tout le monde. Il n'y avait pas l'Internet. Non? Il y avait une librairie à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui était géré par un sympathisant trotskiste et qui vendait le militant américain. Et un jeune qui s'appelait, pas Ted Grant à l'époque, qui s'appelait Isaac Blank, son vrai nom, entre et achète le militant. Non? Il commence à s'intéresser du trotskisme. Et c'est Ted Grant qui est le fondateur de notre organisation. C'est un détail. En 1930, il y a une conférence avec des délégués de France, États-Unis, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Tchécoslovaquie, Hongrie. Ils forment l'opposition de gauche internationale comme une fraction de l'internationale communiste. Ils s'opposaient avant à la politique ultra-gauchiste des stalinistes et ils défendaient la politique du front unique. Tous les militants communistes qui défendaient l'idée du front unique étaient à risque d'expulsion parce que c'était considéré une politique trotskiste. En réalité, c'était la politique de Lénine que Trotsky défendait. Il y a un texte de 1932 écrit par Trotsky qui s'appelle en anglais On the State of the Left Opposition, sur l'état de l'opposition de gauche, que c'est un bilan de la situation de l'opposition gauche jusqu'à 1932. Je ne vais pas entrer ici parce qu'il n'y a pas de temps, tous les problèmes que Trotsky a eu avec les trotskistes. Beaucoup de trotskistes qui venaient avec des éléments de gauchisme qui venaient du Parti communiste où ils militaient avant. Il y a beaucoup de scissions dans les différentes sections de l'opposition de gauche, mais je ne peux parler de cela ici parce qu'il n'y a pas de temps. Un moment important, c'est quand Hitler arrive au pouvoir. Trotsky avait lutté, il y a les écrits de Trotsky sur l'Allemagne qui expliquaient au Parti communiste la nécessité d'un front unique, de lutter pour l'unité de la classe ouvrière allemande et appliquer la politique de Lénine. Mais ils ont appliqué la politique gauchiste, caractérisaient la social-démocratie comme social-fasciste, etc., etc., etc. Les stalinistes ont contribué à la défaite de la classe ouvrière allemande. Après la prise du pouvoir de Hitler, c'est un moment où Trotsky commence à changer d'attitude vers les partis communistes. Il déclare, par exemple, le parti communiste allemand mort d'un point de vue de la révolution. Parce qu'avant, les trotskistes pensaient de pouvoir réformer, régénérer les partis communistes. Après la défaite de 1933, la totale inhabilité, incapacité des communistes officiels d'analyser et corriger les erreurs, il a déclaré la mort de cette organisation. Il commence un processus vers la construction d'une nouvelle internationale. Il déclare, commence à déclarer la nécessité d'une nouvelle internationale. Le 15 juillet 1933, il a écrit un texte qui s'appelle Changement d'orientation, a Change of Orientation, que c'est expliqué à la base de la opposition de gauche internationale, la nécessité de changer d'orientation, parce que jusqu'à ce moment, il se considérait expulsé, mais fraction du mouvement communiste. Il commence à changer d'orientation. C'est dans les années 30 que Trotsky développe autre idée, que c'est l'entrisme. Nous sommes les entristes, vous savez, hein? Les entristes, Ted Grant. C'est Trotsky qui développe l'idée parce qu'il a noté avec la dégénération staliniste des partis communistes, il y avait dans les partis social-démocrates un développement d'une gauche. C'est Friot, français, c'est classique. Non? Mais ce n'est pas seulement en France. En Angleterre, il y a le Parti travailliste indépendant. Dans plusieurs pays, lorsqu'ils notent ce développement d'une gauche, et il conseille à les petites forces des trotskistes de s'orienter là, d'entrer. Donc, il a beaucoup d'écrits de Trotsky de cette période que nous avons publié. Il y a beaucoup d'un, le document Entrisme, ça c'est le vieux des années 70, mais ils sont les textes de Trotsky où il traite la question, non, la France, l'Angleterre, la tactique de comment appliquer l'entrisme. Et ça c'est autre discussion que vous pouvez faire, c'est nécessaire la faire parce que c'est très important pour nous. Mais c'est seulement un développement d'une idée qui déjà existait. Si vous avez le texte de Lénine sur le gauchisme, il explique la tactique, le front unique, ce n'est pas... L'entrisme, c'est une espèce de front unique quand tu as un petit force. 10 militants ou 40 militants ne peuvent aller au Parti Socialiste et dire « front unique, d'être force ». C'est comme un mosquito, non, un mosquito, non, et un éléphant, non, et je vais offrir le front unique, je vais t'aider à lutter à l'éléphant, non. Non, tu vas entrer et appliquer cette tactique pour gagner les milieux allemands. Et il a écrit beaucoup de choses que je vous invite à lire clairement. Trotsky, si tu regardes tout le travail de Trotsky dans cette période, il est très flexible, il change d'orientation quand c'est nécessaire. Dans les détails même. Hein. Avant, il conseille à les Anglais d'entrer dans le Parti travailliste indépendant. Quand ce parti commence à collapser, il se développe une gauche dans le Parti travailliste. Il conseille les trotskistes de changer d'orientation, d'entrer dans le Parti travailliste. Très flexible, à seconde de la situation. Il appliquait l'entrisme d'une manière flexible, par exemple en France, où le SFIO était tellement ouvert que c'était possible de travailler avec le drapeau, non, de la 4e internationale. Aux États-Unis, ils sont entrés un peu clandestinement dans le Parti socialiste, mais plus ou moins la même tactique appliquée à seconde des conditions concrètes du moment. Et il y a dans un texte de novembre de 1933, Trotsky qui dit, je vais traduire de l'anglais, il n'y a pas chose pire que le type de mentalité, how do you say cowardice, codardia, cowardice, hein? Mentalité cowardice, qui se refuse de regarder les faits, la situation réelle et les tendances réelles quand elles contradisent les idées et les préjugés. Cioè, il invite les militants trotskistes à regarder la réalité et pas imposer les préjugés sur la réalité. C'est important parce que c'est ce qui font les sectes. Et je vais parler de cela après. Pas analyser la réalité concrète, mais imposer à la réalité les préjugés que tu as et obliger la réalité à s'adapter à tes préjugés. Hein? Et Trotsky, il explique beaucoup de fois dans ses écrits. La Révolution espagnole, c'est un moment important que Trotsky a écrit et analysé. Autre grande défaite de la classe ouvrière, en réalité, la défaite de la Révolution espagnole prépare la Seconde Guerre mondiale. C'est la défaite finale d'un processus de 20 ans où la classe ouvrière a perdu toutes les batailles. Il se prépare le fascisme et la Seconde Guerre mondiale et la barbarie. Nous devons rappeler en même temps la vie de Trotsky et ce qu'il a souffri. Quand vous pensez, oh, c'est difficile, je me dois réveiller pour aller vendre le journal, c'est samedi, il serait bon de rester à dormir, etc. Les étudiants particulièrement. Qui utilise son temps très bon, non, dans le lit. La persécution de Trotsky, non, 33, la fille Zina se suicide pour les conditions que les stalinistes l'avaient obligé à tolérer, non. C'est dans les hommes. Elle avait deux filles, Esteban Volkov, que vous connaissez, et une fille, une femme. Elle a pris le fils et pas la femme. Pourquoi parce que Staline voulait avoir un instrument pour contrôler la fille de Trotsky quand elle était à Berlin pour raison de santé. Suicide de la fille. 38, assassinat de Léon Sedov, que ce n'était pas seulement son fils, mais un camarade qui dirigeait la 4e internationale, assassiné par les stalinistes quand il était à l'hôpital. 38, Rudolf Clement, qui avait pris, après l'assassinat de Sedov, il devient secrétaire de l'internationale, assassiné par les stalinistes. Entre 36 et 38, beaucoup de trotskistes assassinés. Être trotskiste dans les années 30, c'était très, très plus difficile qu'être trotskiste à Genève aujourd'hui, comme vous pouvez voir. 37, Trotsky ne le savait, l'autre fille qu'il avait, fils, il n'était pas intéressé à la politique comme Léon Sedov, il reste en Union soviétique, il pense que ce n'est un problème parce que je ne fais pas politique. Staline l'a tué dans les goulags. Non? 38, Ignaz Reiss, assassiné. C'est une histoire brutale. Et en même temps, dans la Russie, la section plus grande de l'opposition de gauche, c'était la Russe, dans le goulag de Vorkouta, en Sibérie, mille et mille de trotskistes tués par les stalinistes. Ne oubliez pas qu'entre nous et les stalinistes, il y a une rivière de sang, littéralement une rivière de sang. Nous pouvons entrer dans le Parti communiste et dire vous êtes l'ennemi et le sang de l'emblème, mais pas l'oublier, que ça c'est l'histoire du mouvement trotskiste. Ils ont été exécutés chantant l'international contre les stalinistes. Et ça, c'est la génération sous les épaules de laquelle nous posons. Et nous avons le devoir de les rappeler. Mais je n'ai pas le temps pour entrer dans les détails. Pendant cette période, se prépare la fondation de la 4e internationale qui se fait le 3 septembre de 1938 à Périgny, en France, avec la présence de 23 délégués de 11 pays, dans la maison d'Alfred Rosmer, dont ils n'annoncent pas où ils vont faire le congrès, et ils ont pris beaucoup de mesures pour éviter d'être arrêtés, etc., etc. Mais il y avait deux stalinistes présents à la fondation du congrès de la 4e internationaliste, deux spions. Étienne était un de ces spies, et Jacques Monard, qui a participé à la tentative d'assassinat de Trotsky. Tu t'imagines les conditions dans lesquelles les trotskistes travaillaient. Le congrès de fondation, dans les actes, il y a un rencontre de la force de l'organisation, elle avait plus ou moins 5000 militants dans le monde, en 18 pays. Je vous donne rapidement. États-Unis, 2500, Belgique, 800, France, 600, Pologne, 350, Angleterre, 170, Allemagne, 200, Tchécoslovaquie, 150, Grèce, 100, Chili, 100, Cuba, 100, Sud-Afrique, 100, Canada 75, Australie 50, Brésil 50, Hollande 50, Espagne une trentaine, Mexique une quinzaine. Ça c'était la force de la 4e internationale. Comme vous avez vu, la section la plus grande, curieusement, c'était les États-Unis. Quand on parle que dans les États-Unis, ils sont tous bourgeois, réactionnaires, non? Ce n'était pas la vérité historique. Et au congrès de 38, il vote et adopte le programme de transition. Et à propos, je pense que c'est nécessaire de rediscuter du programme de transition, parce que nous nous sommes habitués à une solution, révolution, rebelle, bellissime. Mais si tu vas dans une usine, dans la lutte ouvrière, se présenter comme un groupe d'étudiants qui dit seulement révolution, blabla, c'est bon, mais elle ne se connecte exactement avec la lutte syndicale du moment. Nous devons apprendre bien à appliquer le programme de transition, qui va de la réduction de l'horaire, non, la question des salaires, les conditions, jusqu'à la classe ouvrière armée pour la révolution. Le programme de transition, c'est une tentative de développer des revendications qui connectent avec la classe ouvrière à chaque moment du développement de la conscience de la classe ouvrière. Et vous, je vous invite à le relire et rediscuter. Mais en 1940, il y a l'assassinat de Trotsky. Deux fois. La première fois, ils n'ont pas réussi à le tuer. Mais la seconde fois, ils l'ont assassiné. Et Trotsky était en train d'écrire le livre Stalin. Il n'a pas complété. Nous l'avons complété. Il existe, vous l'avez. Et les copies du texte de ce livre arrivaient chaque jour sous le bureau de Stalin. Vous le savez, ça. Il avait les espions dans la maison de Trotsky. Je comprends, quand j'ai lu le livre de Trotsky, je comprends pourquoi Staline a voulu l'assassiner à Trotsky, parce que c'est une analyse très, comment se dit, how is it sharp, acute, hein, de Staline. La mort de Trotsky pose un problème à la 4e internationale, et l'histoire a démontré, a révélé que les dirigeants de la 4e internationale, ils n'étaient pas à l'auteur de la situation. Ils n'avaient pas compris la méthode de Trotsky. Ils se sont révélés simplement capables de répéter comme des... je ne sais pas, pagallo. Perroquets. Et des mâles perroquets. Parce que s'ils répétaient simplement ce qu'ils disaient Trotsky, ils ne seraient mal. Non? Je vais vous donner un exemple après. Après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que commence dans la 4e internationale? La situation à la finale de la Seconde Guerre mondiale, c'est très différent de ce que Trotsky avait pensé. Non totalement différent. Il pensait que la guerre va provoquer révolution. Et ça, c'est vrai. La guerre civile en Grèce, la situation en Italie avec la résistance, en France, même après la guerre, nous avons eu la révolution chinoise, le mouvement des peuples coloniaux qui ont lutté pour l'indépendance. Mais, à final, la faiblesse des révolutionnaires signifie autre défaite et une situation différente de laquelle que Trotsky pensait. Il s'imaginait que l'Union soviétique, par exemple, après de la guerre, entrerait en crise. Au contraire, l'Union soviétique s'est transformée dans une grande puissance. Elle a fait la grande part de la guerre contre Hitler, non? Ce n'est qu'à que c'est l'armée rouge qui occupe Berlin, et non les Américains ou les Anglais, etc. La Russie, très forte. Les États-Unis émergent comme une grande puissance, une grande accumulation de capital pendant la guerre. Et après la défaite de la classe ouvrière, une situation de le début d'une récupération du capitalisme en Europe, avec l'aide des Américains, etc. Mais ça, c'était le processus. Les dirigeants de la 4e, incapables de penser et regarder la situation réelle qui étaient devant à eux, cherchent d'appliquer les formules, les trucs comme formules mathématiques pratiquement de Trotsky, et pas la méthode de Trotsky, et se refusent de reconnaître qu'il y a des éléments qu'on doit analyser, rediscuter, faire un bilan et développer des perspectives. Totalement incapables de le faire. Je vous donne un exemple. Ils ont, les dirigeants de la 4e ont déclaré que en Europe de l'Est, il y avait une contre-révolution bourgeoise et qui l'a organisée, l'Union soviétique. Incroyable comme analyse. L'Union soviétique et l'armée rouge étaient en train de transformer toute l'Europe de l'Est dans pratiquement une photocopie de l'Union soviétique. Non, expropriation de l'industrie, etc., la terre, etc. Et il déclare, non, c'est la révolution bourgeoise, contre-révolution bourgeoise. Quand j'ai dit qu'il n'était pas capable de répéter comme un perroquet les Trotsky, retournons un moment à 1939, l'accord, le pacte Ribbentrop-Molotov, ou Hitler-Staline, quand ils ont divisé la Pologne. Et la part est était de l'Union soviétique, la part ouest de Hitler. Trotsky a écrit que le processus sont polonais, bas le contrôle de l'Union soviétique. Ils ont commencé à exproprier les usines, à prendre la terre, à construire dans la part qu'ils contrôlaient de la Pologne le même système économique social qui existait en Union soviétique. Lorsqu'il expliquait, l'armée rouge, c'est l'armée d'un État. C'est un État ouvrier déformé. Penser qu'un État ouvrier déformé va construire un État capitaliste, il avait déjà expliqué. Les dirigeants de la 4e internationale en 1945-1946, incapables de répéter comme des perroquets l'analyse de Trotsky de 1939. Mais il va être pire. Il annonce l'imminente crise et collapse de l'Union soviétique. Ça, c'est la perspective qu'ils avaient. Et autre chose incroyable, ça, c'est. Je m'imagine comment fonctionnait le cerveau de ces éléments, cerveau. Cannon, novembre de 1945. Ils disent dans un texte. Nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui disent que la guerre est finie. Non? La guerre a seulement passé à travers d'un étage, d'une phase, et maintenant est en processus de regroupement et réorganisation pour la seconde vague de la guerre. Non? La guerre n'est pas finie. Il est écrit, non? Noir sur blanc. Et la révolution que nous avons prévue en Europe n'est pas hors de l'ordre du jour. Hein? Que c'est, devant nous, nous avons la révolution. Il y a seulement un retard. Non? Je pensais, comment c'est possible de déclarer que la guerre n'est pas finie? Mais si tu penses à le processus qu'ils avaient dans la tête, Trotsky a dit, après la seconde, quand va finir la Seconde Guerre mondiale, elle va produire révolution. Bien. Il n'y a pas de révolution. Comme en mathématiques, s'il n'y a pas de révolution ici, ça signifie que là, la guerre n'est pas finie. Fantastique analyse. Vous riez, mais ils l'ont écrit. Ce sont les mots de James Cannon. Cannon, dirigeant de la section américaine de la 4e internationale. C'est incroyable, le livre. Ils ont déclaré que la guerre n'est pas finie, que la perspective c'est guerre civile, crise économique profonde, qu'en Union soviétique le système va collapser, etc., etc., etc. Tout complètement... je pense qu'ils vivaient sur autre planète. Pas sur la terre. Non? Je ne peux pas faire la liste de toutes les erreurs. Mais nous avons Ted Grant qui écrit dans la même période, c'est 1950, parce que la direction de la section britannique de la 4e internationale, le Parti communiste révolutionnaire, Revolutionary Communist Party, était dirigée par Ted Grant et un groupe d'autres camarades. qui était en opposition à la direction internationale jusque de premier jour. Ils ont pratiquement expulsé Tet dans 38. Ils ont construit une section officielle de la 4e en Grande-Bretagne en 38, sans le groupe de Tet. Parce que le groupe de Tet s'est refusé de se fusionner avec ces éléments sectaires. Et Cannon voulait seulement une grande section et dire juste, j'ai fait un voyage en Angleterre et regardez que belle section j'ai construite. Et Tet Grant dit non, il n'y a pas unité de principe et nous n'allons pas entrer avec ces éléments sectaires. Et Cannon a travaillé contre Tet dans ce moment. Mais si tu regardes toutes les perspectives de Cannon 6, les perspectives économiques, les amendements que le Parti communiste révolutionnaire anglais britannique a envoyé au Congrès international de la 4e, ils sont tentatives de corriger les perspectives de l'international. Et après une lutte interne fractionnelle où les dirigeants de la 4e ont travaillé pour diviser la section, parce que il y avait une minorité qui se va développer dans une secte au futur de Healy, qui avait plus ou moins 20% de l'organisation. Et la direction internationale de Pablo, Mandel et tous ces éléments, Cannon, etc., ils ne pouvaient comprendre pourquoi la base de la section britannique continue à appuyer ces éléments, qui étaient Tet Grant, Huston et les autres. Ils disaient, ces éléments petits bourgeois. Parce que la grande majorité de la section britannique était ouvriers, syndicalistes, etc. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils ne se traitent pas d'être petit bourgeois ou ouvrier. Il était des marxistes qui offraient une analyse réelle, concrète, de la situation concrète, et la base du parti communiste révolutionnaire acceptait l'analyse de Tet parce que c'était réel, non pas non dans le ciel de les idées de la 4e internationale. Après l'expulsion, la seconde fois que Tet vient expulsé, il écrit une lettre ouverte qui s'appelle, on peut la trouver en internet, Open Letter to BSFI. BSFI est la British Section of the Fourth International, que c'est la section officielle après l'expulsion de Tet. Il explique qu'il y a un développement sans parallèle qui ne pouvait être prévu avant. L'extension du stalinisme comme un phénomène social dans la demi-part de l'Europe, sur le continent chinois, etc. Tout ça pose des problèmes théoriques que le mouvement marxiste doit discuter. Dans les conditions d'isolement et de faiblesse des forces, les nouveaux facteurs historiques ne pouvaient que produire une crise théorique du mouvement, qui pose le problème de sa existence et survivance. Il t'a posé la question que la 4e pouvait disparaître, non? Parce que pour les erreurs théoriques de perspective, etc. Ils ont tenté d'advertir la 4e, mais se sont refusés d'écouter. Mandel, il a déclaré qu'en France, c'était impossible retourner à un niveau de croissance du PIB plus haut du 38. Je me rappelle quand j'étais jeune, je pensais pourquoi le 38? Pourquoi le 38? Ah, parce que Trotsky l'avait dit dans le programme de transition que le capitalisme ne peut développer les forces productives, etc. En 38, c'était vrai. C'était vrai en 38 parce qu'il y avait une crise du système. Mais en 48, il y avait le début du boom économique plus grand, plus long de toute l'histoire de l'humanité, et il continuait à déclarer que non, Trotsky a dit que le capitalisme n'est capable de se développer. Ça c'est perroquet. Il était capable de faire cela. Effectivement, ils ont produit une scission dans le Parti communiste révolutionnaire. Ils ont voyé la minorité à faire l'entrisme dans le Parti travailliste dans des conditions où il n'existait pas les conditions pour l'entrisme. Mais ça, la perspective, tu regardes l'importance des perspectives. Les perspectives de la 4e, c'était grande crise économique, chute économique, chômage, lutte ouvrière, radicalisation, gouvernement travailliste au gouvernement, en crise et la production d'une gauche dans le parti. Nous allons entrer et gagner la gauche du parti. Voilà. La réalité était totalement au contraire. Il y avait un boom économique, gouvernement travailliste, oui, mais qui appliquait son programme parce que c'était possible. Nationalisation du charbon, de l'acier, des chemins de fer. Ils ont construit le système de la santé. À la masse, il semblait que le parti applique sa politique. Dans ces conditions, il n'y avait pas de gauche dans le parti travailliste. Et Ted Grant et les autres, ils disaient aux dirigeants de la 4e, non, vous êtes en erreur, ce n'est pas comme ça. Ils ont refusé d'accepter les critiques. Ils ont travaillé seulement pour se libérer de Ted et les autres, parce qu'il était un nuisance. Vous parlez anglais, hein? Nuisance. Il a expulsion et son bébé. 5 ans, Ted se trouve avec 30 camarades dans tout le monde. Tout le monde. Retournons à les problèmes de la construction, la difficulté de construire. Hein. Nous avons la TMI, qui est petite, mais quelque chose plus de ce qu'avait Ted en 5 ans, nous l'avons. Il avait 30 camarades isolés dans un seul pays. Dans, la période la plus difficile que tu peux imaginer. Tu t'imagines construire les forces du marxisme révolutionnaire au moment de maximum croissance économique du système capitaliste, croissance de niveau de vie, illusion dans le réformisme. Parler de marxisme, il doit sembler des martiens d'autres planètes, non, les camarades. 10 ans, Ted le disait, c'était comme 10 ans à traverser le désert. En 1956, la section de la 4e, une des 4e, parce que je devais entrer dans toutes les sections de la 4e, les variétés, mais la 4e de Mandel et les autres, ils perdent la section britannique, une rupture avec Healy, et ils cherchent une section en Angleterre. Il y avait une discussion entre les camarades si accepter de retourner ou non. Ils ont pensé, nous pouvons retourner et chercher s'il y a quelque chose de healthy, de son dans la 4e, à chercher des contacts. Ils sont rentrés dans le 56, mais comme toujours en opposition sur toutes les questions. J'ai un document ici, il s'appelle The Colonial Revolution. Non? C'est un document que les camarades ont écrit, il y a divers, mais il y a un document fondamental. Sur la question de la révolution coloniale, et en particulier la question de la Chine, parce que les dirigeants de la 4e internationale avaient deux courants, les hansénistes, les Américains, et les mandélistes, les Européens. Il y avait une division entre eux sur le caractère de la Chine. C'était un État ouvrier déformé, ou c'était un État ouvrier relativement sain. Et les camarades disaient, camarades, l'organisation doit élire. État ouvrier déformé ou non? Parce que s'il était État ouvrier déformé, ça signifie que nous devons défendre la révolution politique, la reprise du pouvoir pour la classe ouvrière. Si est un État relativement sain, nous devons l'appuyer parce que c'est le centre de la révolution mondiale. Il ne pouvait se déclarer parce que se déclarer signifiait. Et scission de l'international sur cette question. Il préférait éviter de discuter. Résultat, expulsion de l'organisation britannique autrefois, en 65. Ils ont trouvé un petit groupe de sectaires, ils ont, les ont promovés comme section officielle. Et c'était la troisième fois, tu penses, que Ted était expulsé de cette organisation. 30 ans, et à final, ils ont décidé que basta, comme les Italiens, hein, c'est neuf. Nous allons construire autre organisation. Je ne vais citer toutes les questions politiques, il n'y a pas de temps, mais ils commencent En 64, ils ont lancé le Militant comme nouveau journal. Et ça, c'était le Militant. Ça, c'est le Militant de juin de 68. Regardez comment il était. Ça, c'est le journal. Ça, c'est le journal. L'unique journal dont tout le monde qui avait Ted, c'était cela. Ça, c'est de 68 parce que tout le pouvoir, les ouvriers français. Ils ont lancé le Militant. Et ils ont lancé le Militant avec une orientation au Parti travailliste. Il travaillait dans le Parti travailliste et il avait plus ou moins une quarantaine de camarades quand ils ont lancé le Militant. Patientement, ils ont travaillé dans la jeunesse du Parti. Je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails, autrefois je vais le faire. En 70, ils gagnent la majorité du Comité national de la jeunesse travailliste. Ça commence à changer les choses. Ils sont plus ou moins 200 en 70 et ils gagnent la majorité. Ça les donne un instrument. Au Congrès mondial de la jeunesse socialiste, UC, International Union Socialist Youth, les délégués britanniques étaient les camarades de militaires parce qu'ils étaient les dirigeants de la jeunesse travailliste. 70, il prend la majorité. 74, je me rappelle quand je suis entré, nous avons pris la dernière région qui est dans les mains de la droite et nous avons total contrôle de la structure de la jeunesse du Parti travailliste. Tous les 11 membres du comité national étaient trotskistes, étaient camarades de militants. Et 74, il arrive à 600 camarades et il commence à reconstruire l'international. Ça, c'est le bulletin numéro 1 de 74, où il y a une résolution de fondation de l'international et la présence de camarades. Il y avait seulement 4 sections officielles, Grande-Bretagne, Irlande, Suède et Allemagne. Mais en Allemagne, il y avait 3 camarades. En Irlande, je pense qu'ils avaient une quinzaine, en Suède, 7, et en Angleterre, 600. C'était pratiquement une internationale centrée en Angleterre. Mais il y avait des éléments en Espagne et autres pays comme observateurs. Nous avons commencé à construire, utilisant la position que nous avons dans la jeunesse travailliste. Par exemple, congrès, je pense, 71 ou 12. En Suède, il y a un congrès de la jeunesse socialiste internationale et il y avait des éléments jeunes suèdes qui étaient radicalisés. Et la bureaucratie a dit « Ne parlez avec les Britanniques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trotskistes. » Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont en parler avec les trotskistes, ils voulaient savoir. Et nous avons gagné les premiers camarades suèdes de cette manière. En Espagne, nous avons décidé comme international la nécessité de construire parce qu'il y avait le processus de lutte contre Franco, et nous avons à final envoyé Alan Woods dans la clandestinité en Espagne. Nous avons gagné des éléments dirigeants de la jeunesse socialiste, et je me rappelle, ils ont commencé avec 6 camarades, et dans 18 mois, plus de 300. C'est une situation incroyable de radicalisation de la jeunesse dans la lutte contre Franco. Et nous commençons à construire un international. Nous gagnons un petit groupe à Ostende, il commence la section Belgique, Allemagne il augmente, Suède commence à croître, en Grèce, après la chute du régime des colonels, nous rencontrons des contacts et nous commençons à construire une section en Grèce. Nous prenons contact avec des éléments trotskistes en Sri Lanka et nous commençons à construire une organisation là, peu à peu. Plus de ressources, plus d'argent, etc. Et nous commençons à envoyer un camarade dans les États-Unis, à construire là, au Canada. Nous commençons à gagner des éléments en Chili, au Brésil, en Argentine, etc. Moi, personnellement, j'entre dans l'organisation 74, 17 ans, j'étais le premier camarade qui parlait italien. Et je me rappelle comment il pensait, comment le convaincre de retourner en Italie. Ce n'était pas très difficile, je voulais aller. Et je suis allé, en 77 en Italie. Et si vous imaginez la difficulté de construire, non, je le répète, je n'avais pas d'internet, je n'avais pas de mobile, je n'avais pas rien. J'avais le téléphone fixe qui coûtait beaucoup, contact périodiquement. Et seul, j'ai vendu un journal dans une manifestation et la typique la réponse est « Ah, je l'ai déjà !» Et je dis « Ce n'est pas possible !» Il m'a dit « Ah, parce que c'est le seul, tu es seul ?» Ah non, c'est, oui, clairement, tu l'as acheté de notre camarade, c'est là-bas. Peu à peu, avec patience, nous avons construit cet international. Et en Angleterre, l'organisation se développe d'une manière incroyable. Nous arrivons à 1000 en 76, je pense 2000 en 80. Il y a au maximum, nous sommes arrivés à 8000 militants en Angleterre, 3 parlementaires, beaucoup de parlementaires dans les municipalités, hein, dirigeants syndicaux, une présence dans le Conseil national des syndicats, hein, le TUC, et une tendance très connue à niveau national en Angleterre, et en même temps, l'international qui augmentait ses forces. Nous avons participé énormément dans la grève des mineurs et nous avons organisé la lutte de la poll tax, que c'était un impôt municipal que la Thatcher avait introduit. Elle était considérée très injuste parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons lancé une organisation contre la poll tax qui connecte avec les masses. Nous avons organisé à Londres une manifestation de plus de 200 000 personnes. Le même jour, 50 000 en Écosse. Nous étions très forts, mais je suis obligé à passer à autre phénomène. Dans le militant, à certains points, les dirigeants qui maintenant, nous les appelons les taffistes de la CWI, ont perdu la tête. Ils ont commencé à penser que nous sommes arrivés. Nous sommes grands. Nous n'avons pas besoin de travailler dans le Parti travailliste. Ils ont commencé à dire le problème, c'est le Parti travailliste. Nous devons laisser, non, quitter le Parti et lancer le Parti indépendant. Et je me rappelle Peter Taft qui disait il y a 10 000, possiblement de plus, qui nous attendent là, dehors. Non, c'est seulement une question d'abandonner le Parti et nous pouvons les recruter. Et c'était une erreur, parce que la réalité, c'est qu'il y avait un élément objectif dans la situation. En 1946-1948, les conditions objectives étaient difficiles. En les années 90, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même chose de 1945, parce qu'il y avait crise, etc. Mais il y avait un élément de les défaites des années 70. La défaite de la grève des mineurs, en particulier, a un impact démoralisant sur la classe ouvrière britannique. En Italie, nous avons la grève de la Fiat, qui joue le même rôle. La défaite de la grève de la Fiat, démoralisation. Dans tous les pays, tu peux trouver des luttes importantes de la classe ouvrière et des défaites qui ont un impact démoralisant et qui changent la situation dans le mouvement ouvrier et qui... C'est comment dire, nous avons perdu le moment, autrefois. C'était nécessaire de se réorganiser, se réorienter. Mais la lutte de la poll tax a, dans un certain sens, on peut dire, a couvert le processus réel, parce qu'il y avait cette loi injuste de la Thatcher qui nous a donné la possibilité de mobiliser beaucoup, millions de personnes, en réalité, appuyer cette lutte. Et ça a donné à les camarades dirigeants de la section britannique en particulier l'idée que nous sommes une force et nous pouvons lancer un parti indépendant et c'est seulement une question de se séparer du parti. Il y avait une opposition interne à laquelle j'ai adhéré, et Eric a adhéré en Belgique et autres camarades dans divers pays. Et nous avons fait une lutte pour dire non, ce n'est tant simple. Nous avons fait une conférence en Italie pour discuter avec les représentants de la majorité de militants qui sont venus. Et quand un jeune Italien disait « les années 80 sont années de reflux », hein, nous c'était ABC. La défaite des années 70, le Parti communiste qui perdait militants, perdait votes, la filiation syndicale qui se baissait, s'enfaiblait. C'était clairement, il y avait un processus et il se refusait de le reconnaître. Autrefois, des trotskistes qui se refusent de reconnaître la réalité qui est devant à eux, ils cherchent d'imposer à la réalité les préjugés. Et ils ont déclaré les années rouges, 90, etc. Ils pensaient avant, jusqu'à la révolution. Et nous a rappelé que ce n'est pas comme ça. Il y a des autres éléments. Nous avons défendu autre idée. Et nous avons fait une lutte de fraction en 91. Elle a duré plusieurs mois, dans chaque section, discussion, débat, etc. Je ne peux entrer dans les méthodes qu'ils ont appliquées, mais nous disons, dans une lutte de fraction, les deux fractions ont le droit de présenter dans le débat, dans chaque section, ses idées. Par exemple, en Suisse, si on a une fraction internationale, il y a deux représentants de position et de débat. En Australie, idée brillante, ils ont dit, il n'y a pas suffisant d'argent pour payer deux représentants. Nous allons envoyer un représentant de la majorité et il va expliquer les idées de la minorité à les camarades australiens. Tu t'imagines, non, quelle explication objective qu'il aurait donné à les camarades. États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Nigeria, c'était impossible d'entrer dans les sections. Ils ont manœuvré pour éviter que nous pouvons envoyer des camarades ou les idées là. Mais nous avons fait une lutte de fraction et au final, ils ont expulsé à Ted, Alan et autres camarades. Et ça commence la scission internationale en 80, finalement en janvier de 92. Et nous avons pris en Italie toute l'organisation. Les tafistes en Italie n'ont pris rien. En Espagne, quelque chose de similaire. En autres sections, comme Belgique, autres, il y a une division de la section en Grèce, non, la demi-part vient avec nous. Là. Et ça, c'est la naissance de la nouvelle internationale qui c'est la TMI. Nous avons, je pense, plus ou moins une douzaine de sections. Il n'y avait Canada, il n'y avait États-Unis, El Salvador, il n'y avait Brésil, Nigeria, Russie. Beaucoup de sections que nous avons aujourd'hui n'étaient pas part de l'international. Nous avons travaillé à reconstruire et à réorienter l'organisation dans la nouvelle situation. Nous avons adopté une position que les autres, ils présentent une caricature. Ils pensent que nous sommes les entristes permanents. Ce n'est pas vrai. Par exemple, en Angleterre, pendant les derniers 20 ans, nous n'avons pas fait un travail dans le Parti travailliste en vérité. Une présence, oui. Mais nous n'avons pas abandonné la perspective pour le Parti. Nous avons maintenu l'idée que c'est le Parti de la classe ouvrière et il peut, passer à travers un processus de radicalisation, et nous devons éduquer la militance de l'organisation dans cette idée. En même temps, nous faisons le travail indépendant pour construire l'organisation. Un bilan entre les deux. Et si vous regardez, j'ai peu de temps ici, mais regardez le travail des sections. Dans les années 70, pratiquement tout l'international faisait un travail entriste dans les sections de l'international socialiste. En France, les partis socialistes, en Angleterre, les travaillistes, en Espagne, c'était simple l'orientation. Après, nous avons commencé à faire un travail dans les partis communistes, en Italie, c'était obligatoire parce que c'était le premier parti de la classe ouvrière, en France, etc., nous avons changé. Et après, nous avons commencé à changer autrefois. En France, par exemple, France Insoumise, en Espagne, Podemos, en Grèce, Syriza. C'est la situation qui nécessite un changement flexible d'orientation. Et maintenant, nous avons travail indépendant pratiquement en États-Unis, avec une certaine présence dans les Democratic Socialists américain. En Canada, orientation formelle au NPD, mais en réel NDP. C'est NDP, mais pratiquement, c'est travail indépendant parce qu'il n'y a rien à faire là. En Italie, il n'y a pas de parti unique. Travail indépendant, nous avons présenté les candidats. Mais nous avons une attitude pas sectaire. Ça, c'est la question. Nous devons préparer les camarades à la nécessité d'entrer quand c'est nécessaire. Il y a des situations où c'est nécessaire quitter. Ça, c'est, ça peut passer en France, par exemple. Le Parti communiste français est plus ou moins le funérail, je ne sais pas quand ils vont organiser, mais nous sommes là. Et France Insoumise peuvent se transformer dans un parti avec des minutes. Peuvent. Ce n'est pas garanti. Nous devons avoir les yeux ouverts à les différentes possibilités. Par exemple, en Angleterre, maintenant, dans le Parti travailliste. Après beaucoup d'années dans lesquelles nous n'avons pas fait ce travail, nous basons sur la tradition particulièrement de Ted Grant et ce qu'il avait construit, sur les idées de Trotsky, la méthode de Trotsky dans les années 30, que c'est nécessaire l'étudier. Et nous allons former un international marxiste révolutionnaire, mais qui se base sur la réalité, qui n'applique, j'ai parlé plus d'une fois, du sectarisme dans l'histoire. Et le mouvement trotskiste, malheureusement, il un mal image dans la classe ouvrière. Parce que tous les groupuscules trotskistes, les post-sadistes qui pensent que le socialisme arrive de d'autres galaxies, non, d'autres planètes, Pablo, le secrétaire de la 4e après la guerre, qui pensait que le stalinisme pouvait se régénérer, non, etc., etc., etc. Des idées fous. Ils ne sont pas trotskistes. Ils ne sont pas marxistes. Ça, c'est une caricature. C'est une déformation totale. C'est un problème parce que nous devons lutter pour faire faire reconnaître à la classe ouvrière les vraies idées du marxisme et ce qui sont les vrais trotskistes. Parce que le drapeau de Trotsky, c'est un bon drapeau. Ces éléments-là ont pris le drapeau de Trotsky et ils l'ont mis dans le... Le mode. Le mode. Touche à nous. J'ai superé les 50 minutes. J'ai cherché de donner un tour historique de plus ou moins 100 ans, rapidement. Il y a beaucoup de choses à discuter. Chaque point que j'ai touché mérite une discussion séparée. Il y a les textes, il y a les articles. Il y a des articles sur le site. Sur le processus de dégénération de la 4e, etc. Seulement pour vous donner l'idée, ça c'était une publication de militants quand ils contrôlaient la municipalité de Liverpool. Ça c'est le bulletin interne quand nous avons construit le syndicat des étudiants en Espagne, mobilisant 200 000 étudiants à Madrid. Ça c'est le document de déclaration publique de la section sud-africaine à l'époque, quand la bureaucratie avait expulsé les camarades de l'ANC. Et ça, c'est le numéro 1 du journal sud-africain publié en 81. Un peu d'exemple des publications que nous avons à l'époque. Comment vous avez, c'est une lutte continue pour maintenir les idées correctes du marxisme, de ne faire des erreurs de type gauchiste et de ne faire des erreurs de type opportuniste. L'entrisme peut donner des résultats, en même temps, il peut provoquer dégénération. S'il n'y a pas des cadres formés, et je pense que l'élément central de la dégénération du militant dans les dernières années avant de la scission, c'était l'abandon de la formation. Il pensait, nous sommes arrivés, nous sommes une grande force, c'était nécessaire activité, activisme dans la lutte, dans les roues, dans les manifestations, etc. Et je me rappelle le niveau politique lentement qui s'est baissait jusqu'au niveau que je parlais avec des camarades et je pensais c'est un camarade de ma organisation. Non, il est totalement différent. Et ça a produit une dégénération parce que sans formation, les militants de l'organisation senti les pressions du moment. Non? Et ils pouvaient faire des erreurs sectaires ou opportunistes, à seconde du moment, parce qu'il n'y avait pas un cadre solide dans la base de l'organisation. Et ça, c'est un élément très important que la TMI a pris et a mis au centre du travail de l'organisation. Sans théorie, il n'y a pas de parti révolutionnaire. Il n'y a pas de révolution. Nous devons avoir un équilibre entre la formation et l'activité. Quand on commence à changer l'équilibre entre les deux, on se peut transformer ou dans des étudieuses, à lire et théoriser, ou dans des activistes. On a besoin de deux choses, et ça c'est, je pense, la TMI. Je dois finir parce que le temps est fini. Bon, merci beaucoup, Fred.